sourde oreille. Quand je rentre le soir, là c'est de mes recherches. Elle me regarde sans un mot, un sourire n'a quoi aux lèvres. Sur un instant de bonheur, tu n'as pas d'ambition, mais s'il te plaît, fais-moi plaisir, quitte tes amis, ils sont néfastes pour ton moral et ta santé. À fumer toute la journée des substances prohibées, tu ferais mieux d'aller dehors, de réagir un peu. Il y a des gens compétents qui peuvent t'aider. Moi je lui dis, excuse-moi chérie, je ne peux pas les réveiller. Sur nos instants de bonheur, provisoire sur nos instants.